الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الشيخ العثيمين دي 10e assise sur les comportements obligatoires du jeûne. Louange à Allah qui a guidé la création vers les bienséances les plus parfaites et leur a ouvert toutes les portes des trésors de sa miséricorde et de sa générosité. Il a illuminé la clairvoyance des croyants qui ont alors saisi les réalités et recherché la récompense, tandis qu'il a aveuglé celle des détournés de son obéissance, plaçant un voile entre eux et sa lumière. Il a guidé les uns par sa grâce et sa miséricorde, et a égaré les autres par sa justice et sa sagesse. Certes, il y a en cela un rappel pour les doués d'intelligence. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, à lui la royauté, le puissant, le donateur. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, envoyé avec les adorations les plus illustres et les bienséances les plus accomplies. Qu'Allah le vante et le préserve, ainsi que sa famille et ses compagnons, ainsi que ceux qui les suivent avec bienfaisance jusqu'au jour du retour. Mes frères, sachez que le jeûne possède de nombreuses bienséances, sans lesquelles il ne peut être complet ni parfait. Elles se divisent en deux catégories, les bienséances obligatoires que le jeûneur doit impérativement observer et préserver, et les bienséances recommandées qu'il convient de respecter. Parmi les bienséances obligatoires, il y a le fait que le jeûneur accomplisse ce qu'Allah lui a imposé comme adoration verbale et physique, dont la plus importante est la prière obligatoire. Elle est le pilier le plus sacré de l'islam après les deux attestations de foi. Il est donc obligatoire de veiller à sa préservation en l'accomplissant selon ses piliers, ses obligations et ses conditions, à son heure fixée et en congrégation dans les masjids. Cela fait partie de la piété pour laquelle le jeûne a été prescrit à la communauté. Négliger la prière est contraire à la piété et appelle au châtiment. Allah Azza wa Jal dit « فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة لا يظلمون شيئا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la salah et suivirent leurs passions. Ils rencontreront bientôt la perdition. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit des bonnes œuvres. Ceux-là entreront au paradis et ne seront point lésés. Parmi les jeûneurs, certains négligent la salah en groupe alors qu'elle aurait obligatoire. Allah l'a ordonné dans son livre en disant وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu diriges la salah pour eux, qu'une partie d'entre eux se tienne debout avec toi en gardant leurs armes. Puis lorsqu'ils se sont prosternés, c'est-à-dire qu'ils ont fini leur salah, qu'ils passent derrière vous et que l'autre partie qui n'a pas encore prié vienne alors prier avec toi en prenant leurs précautions et leurs armes. Allah a ordonné la salah en groupe en situation de combat et de peur. Que dire alors en temps de tranquillité et de sécurité? Selon Abu Huraira radiallahu an, qu'un homme aveugle dit « Ô messager d'Allah, je n'ai pas de guide pour m'accompagner au masjid ». Il lui accorda alors une dispense. Mais lorsqu'il s'en allait, il le rappela et dit « Entends-tu l'appel à la prière ?» Il répondit « Oui ». Il dit « Alors réponds-y ». Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas accordé de dispense bien qu'il soit aveugle et sans guide. Également, celui qui délaisse la salah en groupe s'est privé d'un grand bien en termes de multiplication des récompenses, car la salah en groupe est multipliée comme mentionné dans les deux sahihs d'après le hadith d'Ibn Omar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salatul jama'ati tafdulu ala salatil faddi bi 27 daraja » La prière en groupe surpasse la prière individuelle de 27 degrés. Celui-ci rate également les intérêts sociaux qui découlent du rassemblement des musulmans pour la salah, comme l'ancrage de l'amour, l'enseignement à l'ignorant et l'aide aux nécessiteux. En délaissant le groupe, il s'expose au châtiment et à la ressemblance avec les hypocrites. Dans les deux sahihs d'après Abu Huraira, radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Athqalu salawati ala al-munafiqina salatul isha'i wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la atouhuma walau habwa » ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Les salats les plus lourdes pour les hypocrites sont celles du Isha et du Fajr. S'ils savaient ce qu'elles contiennent comme mérite, ils y viendraient sur les mains et les genoux. J'ai failli ordonner que l'on fasse l'Iqama, puis d'ordonner à un homme de diriger la salah pour les gens, puis de partir avec des hommes portant des fagots de bois vers des gens qui n'assistent pas à la salah afin de brûler leur maison sur eux. Et dans Sahih Muslim, Ibn Mas'ud radiyallahu an a dit « Celui qui aimerait rencontrer Allah demain en étant muslim, qu'il préserve ses salahs là où l'appel est lancé, car Allah a prescrit à votre prophète sallallahu alayhi wa sallam les voies de la guider et elles en font partie. J'ai vu un temps où nul ne s'en abstenait, si ce n'est un hypocrite dont l'hypocrisie était notoire. » On amenait même l'homme soutenu par deux autres jusqu'à ce qu'il soit placé dans le rang, c'est-à-dire le malade. Parmi les jeûneurs, certains vont jusqu'à dormir pendant le temps de la salat, ce qui est l'un des plus grands torts. Beaucoup de savants affirment que celui qui retarde la salat au-delà de son temps, sans excuse légale, ne verra pas son acte accepté, même s'il prie 100 fois. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad » rapporté par Muslim. Quiconque accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à notre ordre, celle-ci est rejetée. La prière accomplie après son temps n'étant pas conforme à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est donc rejetée. Celui qui délaisse une salat volontairement jusqu'à ce qu'elle sorte de son temps, alors il doit faire tawbah, il doit se repentir à Allah azza wa jal. Et même s'il l'a fait, même s'il l'a pris, elle ne sera pas acceptée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man nasiya salatan wa nama anha fa kaffaratuha an yusalliyaha idha dhakaraha » Celui qui oublie une salat ou dort pendant la salat, son expiation est de la prier lorsqu'il s'en rappelle. Muttafaqun alayh. Donc l'oubli est une excuse. Et s'il dort alors qu'il a fait les causes pour se réveiller pour la salat. Donc ça prouve que celui qui délaisse volontairement, il n'y a pas d'expiation pour lui. De la même façon pour le jeûne, celui qui délaisse ou qui mange volontairement ou qui boit volontairement, qui coupe son jeûne sans excuse pendant Ramadan, il ne peut pas rattraper cette journée. Il doit faire tawba et il n'y a pas de rattrapage. Et pour la salat, certains savants, dont Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, rendent mécréant celui qui délaisse une salat sans excuse. Une seule salat qu'il a fait sortir de son temps, sans excuse, il voit qu'il est kafir. Le cheikh dit ensuite, parmi les bienséances obligatoires que le jeûneur évite tout ce qu'Allah et son messager ont interdit en termes de paroles et d'actes. Il doit éviter le mensonge qui consiste à informer de manière contraire à la réalité. Et le plus grave est le mensonge sur Allah ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme attribuer à Allah ou à son messager la permission du haram ou l'interdiction du halal sans science. Allah azza wa jal dit, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et ne dites pas, conformément aux mensonges débités par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger un mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas, ce n'est qu'une jouissance éphémère et ils auront un châtiment douloureux. Et dans les deux sahihs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar » Quiconque ment délibérément à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. Mentir sur Allah, son messager sallallahu alayhi wa sallam, sur la religion, c'est les pires mensonges. Comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. En mentant sur Allah azza wa jal, en disant « Ceci est permis, ceci est illicite ». Il a également mis en garde contre le mensonge en disant Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Prenez garde au mensonge car le mensonge mène à la perversion et la perversion mène à l'enfer. L'homme ne cesse de mentir et de chercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un grand menteur. Muttafaqun alayh. Et celui qui s'est habitué au mensonge n'arrive pas à le délaisser. Sa langue ment facilement, pour tout et n'importe quoi. Car il est inscrit auprès d'Allah comme menteur, kadhab. Et le mensonge est parmi les pires comportements que toute l'humanité blâme. Tous les peuples de la terre blâment le mensonge. Cher dit ensuite, il doit éviter la médisance, la riba, qui est de mentionner ton frère en son absence par ce qu'il déteste. Que ce soit concernant son physique, comme dire qu'il est infirme, borgne, aveugle, par dénigrement, ou son caractère. Comme dire qu'il est insensé ou pervers. Que cela soit vrai ou non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur la médisance et a répondu « Hiya dhikruka akhaka bima yakrah » C'est le fait de mentionner ton frère par ce qu'il déteste. On lui dit « Et si ce que je dis est vrai chez lui ?» Il répondit « In kana fihi ma taqulu faqad irtabta wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta » Si ce que tu dis est vrai, tu as médit de lui, tu as fait riba. Et si ce n'est pas vrai, tu l'as calomnié. Rapporté par Muslim. Concernant les caractères physiques, si cela ne pose pas de problème à la personne et que c'est pour le différencier des autres, il n'y a pas de problème, comme c'était connu chez les salafs, à l'Araj, si on dit un tel le grand, Mohammed le grand, parce qu'il y a beaucoup de Mohammed, ça ne pose pas de problème. Il dit ensuite, Allah a interdit la médisance dans le Coran en la comparant à l'image la plus hideuse, à un homme mangeant la chair de son frère mort. Il a dit wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté que lors de la nuit de l'ascension, Al-Mi'raj, il passa devant des gens ayant des ongles de cuivre, avec lesquels il se griffait le visage et la poitrine. Il dit « Man haoula ya Jibril ?» Qui sont-ils, ya Jibril ? Il répondit « Ce sont ceux qui mangent la chair des gens et portent atteinte à leur honneur. » Rapporté par Abu Daoud. Et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Il a vu parmi les châtiments des gens de l'enfer. Donc ça peut toucher les koufars comme ça peut toucher les musulmans. Il doit éviter la calomnie, an-namima, qui est le fait de rapporter les paroles d'une personne à une autre pour semer la discorde entre elles. C'est un grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yadkhulul jannata nammam » Le calomniateur n'entrera pas au paradis. Muttafaqun alayh. Et dans les deux sahihs d'après Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant deux tombes et dit « Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir » Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min al-bol wa amma al-akharu fakana yamshi bin namima. Ils sont en train d'être châtiés et ils ne le sont pas pour une chose difficile à éviter. L'un d'eux ne se protégeait pas de son urine et l'autre colportait des calomnies. La calomnie est une corruption pour l'individu et la société. Allah Azzawajal dit wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masha'im binamim. Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand dénigreur, colporteur de médisance. Et la riba et la namima touchent plus particulièrement les femmes. Donc qu'elles craignent Allah et qu'elles prennent garde à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu comme châtiment en enfer. Et également celle qui est connue pour ça, elle doit être conseillée. Et si elle n'arrête pas, elle doit être délaissée. Et le cheikh dit un excellent conseil. Celui qui médit auprès de toi, il médira sur toi. Alors prends-y garde. Il dit ensuite, il doit éviter la tromperie dans toutes les transactions. Vente, location, travail manuel, gage. Et dans tous les conseils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de celui qui la pratique. Man rashana falaysa minna. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres, rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva des dattes à vendre, et lorsqu'il mit sa main dans les dattes, il trouva des dattes qui étaient mouillées en bas. Et l'homme avait mis des belles dattes vers le haut et des dattes moins bien vers le bas. Donc il a dit, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. La tromperie est une duperie, une perte de l'honnêteté et une destruction de la confiance entre les gens. Tout gain issu de la tromperie est un gain vil et illicite qui ne fait qu'éloigner davantage son auteur d'Allah. Il doit aussi éviter les instruments de musique de toutes sortes car ils sont illicites. Cette interdiction s'accentue avec le chant provoquant. Allah Azzawajal dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Et parmi les gens, il y en a qui achètent des discours futiles. لَهْوَ الْحَدِيثِ pour égarer sans science les gens du sentier d'Allah et pour le prendre en dérision. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Il a été rapporté de manière authentique d'après Ibn Mas'ud que lorsqu'il fut interrogé sur ce verset, il dit « Par Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité, digne d'adoration, il s'agit bien du chant. » Trois fois. Cela a également été rapporté authentiquement d'après Ibn Abbas et Ibn Omar. Ibn Kathir l'a aussi mentionné d'après Jabir, Ikrima, Saïd ibn Jubayr et Mujahid. Al-Hassan a dit « Ce verset a été révélé au sujet du chant et des flûtes. » Les chansons servent à égarer les gens loin du sentier d'Allah et prennent en dérision le sentier d'Allah, Azza wa Jal. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un associateur avait deux esclaves qui chantaient, qu'il utilisait pour écarter les gens du Coran. Donc c'est ça ce que fait la musique et le chant. Les gens qui sont tournés vers la musique et les chansons ne sont pas tournés vers le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les instruments de musique en les liant à la fornication, en disant « La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir » Il y aura certes parmi ma communauté des peuples qui considéreront comme licite la fornication, la soie, c'est-à-dire pour les hommes, l'alcool et les instruments de musique. Rapporté par Al-Bukhari. Le terme al-hir désigne le sexe. Ce qui est visé ici est la fornication, la zina. Le sens de considérer comme licite signifie qu'ils commettent ces actes à la manière de celui qui les juge permis, sans aucune préoccupation. Cela s'est effectivement produit à notre époque. Certains utilisent ces instruments ou les écoutent comme s'ils étaient une chose licite. C'est là une des manœuvres par lesquelles les ennemis de l'islam ont réussi, par leur ruse contre les musulmans, à les détourner du rappel d'Allah et des priorités de leur religion et de leur vie mondaine. Beaucoup d'entre eux en sont venus à écouter cela plus qu'ils n'écoutent la lecture du Coran, les hadiths et les paroles des gens de science qui exposent les jugements de la charia et ses sagesses. La fitna de la musique et des chansons à notre époque provient des koufars comme elle provient des musulmans. Et les soufis qui adorent Allah Azzawajal en utilisant les instruments de musique et les chants ont également participé à ça. Et il incombe aux parents de gérer leurs enfants sur ce genre de comportement. Et également beaucoup de gens se disent il n'y a pas d'interdit clair dans le Coran sur la musique ou le chant. Donc l'aïa qu'on a cité, c'est l'interdiction dans le Coran. Et le hadith d'Al-Bukhari, c'est l'interdiction dans la Sunna. Les instruments de musique sont illicites, à part le douf, sans clochette. Le douf qui est une peau tendue sur un cercle de bois, que la femme tient dans une main et tape avec l'autre. Et les fillettes ou les femmes peuvent chanter entre elles pour des occasions spéciales, comme le Eid ou les mariages, sans musique, seulement avec le douf, et que ce ne soit pas une profession. Et dans les deux sahihs, Aïcha radiallahu anha a dit « Abou Bakr est entré chez moi alors que se trouvaient à mes côtés deux fillettes parmi les filles des Ansar. Elles chantaient ce que les Ansar s'étaient dit le jour de Bu'ath. » Bu'ath, c'était un combat qui avait eu lieu entre eux dans la Jahiliya. Elle précisa et elles n'étaient pas des chanteuses. Abou Bakr s'exclama alors « Des flûtes du diable dans la maison du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » C'était un jour de Eid, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Abou Bakr, chaque peuple a sa fête et ceci est notre fête. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas contredit ce que disait Abou Bakr, mais il a simplement permis cela car c'était le Eid. Et sur ce hadith, Ibn Rajab dit dans Fath al-Bari, rahimahullah, « Dans ce hadith, il y a une permission accordée aux fillettes le jour du Eid de jouer et de pratiquer le chant à la manière des bédouins. » Car le mot « jariya » qui est cité dans le hadith, c'est la fille avant la puberté. Même si cela est entendu par les femmes et les hommes. Et même si cela est accompagné d'un douf semblable à celui des Arabes, qui ressemble à un tamis, il ne fait aucun doute que les Arabes avaient un chant qu'ils chantaient et des doufs qu'ils frappaient. Leur chant consistait en des poèmes de l'époque de la Jahiliya, évoquant les guerres et pleurant ceux qui y furent tués. Leurs doufs étaient comme des tamis sans cymbalettes, sans les petites clochettes là qui sont rajoutées parfois. Ça, il faut les enlever. Comme mentionné dans le hadith de Aïcha d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur accordait une permission lors des moments de joie, comme les jours de fête, le mariage et le retour des absents, pour que les fillettes frappent du douf et pratiquent le chant en accompagnement de ces poèmes ou de ce qui est de sens similaire. Lorsque les terres des Perses et des Romains furent conquises, les compagnons virent ce dont les Perses et les Romains avaient l'habitude en matière de chants mélodieux, avec des rythmes mesurés selon la méthode musicale, utilisant des poèmes décrivant des choses interdites comme les vins et les images de beauté excitant les passions enfouies dans les âmes, dont l'amour est inné, le tout accompagné d'instruments de divertissement mélodieux dont l'écoute fait perdre toute modération. C'est à ce moment-là que les compagnons ont réprouvé le chant et son écoute, l'ont interdit et se sont montrés sévères à son sujet, au point qu'Ibn Mas'ud a dit « Le chant fait germer l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau fait germer l'herbe ». Cela prouve qu'ils ont compris que le chant pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accordé une permission à ses compagnons n'était pas ce chant-là, et que ces instruments n'étaient pas ces instruments-là. Ils n'avaient autorisé que ce qui existait à son époque et que les Arabes pratiquaient avec leurs propres instruments, c'est-à-dire le douf. Quant au chant des non-Arabes, avec leurs instruments, la permission ne le concerne pas, même s'il est appelé chant, et que ces instruments sont appelés douf, car il existe entre les deux une différence qui n'échappe à aucun homme doué de raison. En effet, le chant des non-arabes avec ses instruments excite les passions, change les tempéraments et appelle au péché. Il est l'incantation de la fornication, tandis que le chant des bédouins qui est autorisé ne contient absolument rien de ses méfaits. Ainsi, le chant des non-arabes n'entre pas dans la permission, ni par la lettre, ni par le sens, car il n'existe aucun texte du législateur autorisant de manière absolue tout ce qui est nommé chant ou douf. Il s'agit seulement de cas spécifiques qui ont été validés et qui n'ont pas de portée générale. Le chant et le douf autorisés n'ont pas le même sens que le chant des non-arabes et leurs touffes munis de cymbalettes, car le chant et leurs tambourins font bouger les tempéraments et les excitent vers les interdits, contrairement au chant des bédouins. Celui qui compare l'un à l'autre a commis la plus laide des erreurs de jugement, car il a établi une analogie alors que la différence entre la branche et la base est évidente. Une telle analogie est parmi les plus corrompues et les plus éloignées de la vérité. C'est-à-dire quelqu'un qui se base sur la permission, par exemple, du chant lors du Eid ou dans les mariages, et qui met de la musique, des chansons de l'Occident ou même des Arabes égarés, il a fait une analogie incorrecte car il y a une grande différence entre les deux. Et jamais il n'y aurait eu ce genre de chansons modernes auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite des récits authentiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, blâment d'ailleurs ceux qui écouteront les chanteuses à la fin des temps, ce qui est une allusion à l'interdiction d'écouter les instruments de divertissement empruntés aux non-Arabes. Aïcha a bien précisé que les deux fillettes ne chantaient que le chant de Bu'ath, et le jour de Bu'ath est un jour célèbre parmi les guerres de la Jahiliya. Al-Khattabi a dit « Le poème que les deux fillettes chantaient portait sur la description de la bravoure et de la guerre. S'il est orienté vers le combat contre les mécréants, il devient une aide dans les affaires de la religion. » C'est-à-dire que ce sont des bons poèmes et chants pour le djihad, par exemple. Quant au chant évoquant les turpitudes et l'atteinte à l'honneur, c'est celui qui est prohibé. comme parler des femmes ou des choses interdites. Il est impensable que de telles choses se produisent en sa présence, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il les agrée ou délaisse leur réprobation. Car s'il y avait une chose interdite à côté de lui, il l'aurait réprouvé. Toute personne qui élève la voix avec quelque chose et le déclame clairement est considérée comme ayant pratiqué le chant avec cela. Il a ajouté, quant à la parole de Aïcha, elle n'était pas des chanteuses. Elle a précisé cela car la chanteuse est celle qui fait du chant son métier et son habitude. Et cela ne sied pas à sa présence, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne sied pas qu'il ait à côté de lui une chanteuse professionnelle. Allah al-Musta'an. Mais fredonner un vers de poésie et donner de la mélodie à sa voix, si cela ne contient pas d'obscénité, n'est pas prohibé et ne discrédite pas le témoignage d'une personne. Fin de citation d'Al-Khattabi. C'est-à-dire que ces fillettes, si elles chantaient, ça ne fait pas d'elles des chanteuses. De la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des vers de poésie, ça ne fait pas de lui un poète. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ne réprouvait pas le chant de type nasb, mélodie simple, ou hida, chant des chameliers, et leurs semblables. Et plus d'un parmi les salafs les ont autorisés. Il conclut, sa parole, ceci est notre fête, signifie que manifester la joie pendant le Eid fait partie des emblèmes de la religion, et le jugement d'une petite quantité de chants diffère de celui d'une grande quantité. Fin de citation de la parole d'Ibn Rajab. Prenez donc garde, ô musulmans, aux choses qui annulent le jeûne, ainsi qu'à celles qui en diminuent la valeur, et préservez-le des paroles mensongères et de leur mise en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères, leur mise en pratique et l'ignorance, Allah n'a que faire qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et Jabir radiallahu anhu a dit, lorsque tu jeûnes, que ton ouïe, ta vue et ta langue jeûnent également en s'abstenant du mensonge et des interdits. Délaisse le tort causé aux voisins, que la dignité et la sérénité soient sur toi, et ne fais pas en sorte que le jour de ton jeûne et le jour où tu ne jeûnes pas soient identiques. Ô Allah, préserve-nous notre religion, détourne nos membres de ce qui te courrousse, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à tous les musulmans, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, qu'Allah préserve et vante notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Alhamdulillah.